Moi je ne suis pas comme les autres. Je peux chanter du pop et comme du rock. Je peux chanter du classique comme du rap. Mais la seule chose qui me force, c'est mes amis. Les amis, c'est la chose la plus importante au monde. Parce que si tu en as pas, tu pourras pas vivre encore très longtemps. Parce que des amis, ça peut t'aider dans tout à réaliser tes rêves, comme tout ce que tu veux parcourir. Moi je ne suis pas comme les autres, mon style peut être différent, jour après jour, oui, oui, oui, oui. Oh, wow, les amis c'est la chose la plus importante au monde, parce que si tu en as pas, tu pourras pas vivre encore très longtemps, parce que les amis ça peut t'aider dans tout à réaliser tes rêves, comme ça tu veux parcourir. Si tu veux pas faire confiance à un de tes amis, c'est parce que ce n'est pas le bon. Parce que des amis, sa tête, ce n'est pas là pour te critiquer. C'est là pour t'aider et te supporter et garder tes secrets, secrets, secrets, secrets, secrets. Les amis, c'est la chose la plus importante au monde. Parce que si tu en as pas, tu pourras pas vivre encore très longtemps. Parce que des amis, ça peut t'aider dans tout à réaliser tes rêves. Comme tout ce que tu veux parcourir. Comme tout ce que tu veux parcourir.